s'ouvre d'elle-même. Et le voyant pénètre tout le monde, il y découvre la peur chaque seconde. Cette peur-là, tu diras que tu l'aimes. Le regard fixé sur le fond, un cercueil qui grince sur ses gonds. Ce caveau-là est si morbide que la lumière n'y entre pas, elle s'y vide. Tout roule en deçà du dessus. Pourtant le visiteur se plaît à contempler la mort. Oui, tu mourras, c'est inscrit, il l'a lu. Ce ne sont pas tes poumons qui lui donneront tort. Pourquoi rester alors dans un lieu condamné? C'est parce qu'en attendant l'éclatement, là sont les rires, les mouvements qui traînent. Le regard fixé sur le fond, un cercueil qui grince sur ses gonds. Ce caveau-là est si morbide que la lumière n'y entre pas, elle s'y vide. Et tu perdras tous ces rubis qui coulent, et tes émeraudes pourront rouler à terre, perles de l'âme, des peines de la foule, des existences qui attendent derrière. Pourtant le voyant te comprend bien, il sait tes faiblesses et il les aime. Connais-tu les siens qui reforment les liens? Ces années où règne, même en plein, l'amour d'autrui.